RMC maintenant, RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et voilà, on reste avec les sports mécaniques. Bien sûr, c'est la deuxième heure de Motors déjà. Et oui, ça passe très très vite. Et on le disait il y a un instant avec Christophe Bordet et Antoine Arlot qui est resté avec moi pour cette deuxième heure, puisqu'on reparlera un petit peu de F1. On parlait de cette envolée, Antoine, de cette envolée sur la plage du Touquet, de 1000 pilotes moto devant 300 000 spectateurs. Faut-il le dire et le répéter, la plus grande course moto au monde. C'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle ils vont sur le sable. Ça va être super physique. On en parlait d'ailleurs parce que toi, tu le disais, Christophe, tu l'as fait. Et ça doit être vraiment pour les bras, ça doit être quelque chose d'énorme. C'est un truc de fou. Hein. Il faut un coffre absolument monumental. Et du premier au dernier, je peux te dire que tous ceux qui terminent l'enduro du Touquet, c'est vraiment une fierté formidable. Et notamment, et on va refaire un point avec Dominique Sauvêtre hein, tout à l'heure pour savoir où on en est sur la piste. Il y avait le fameux all shot au bout de la ligne droite. On a eu le plaisir d'avoir Cyril Després. On aura Dominique Sauvêtre à nouveau tout à l'heure. Mais maintenant, je souhaiterais que nous parlions de rallye, bien sûr, du championnat du monde WRC. Je vous rappelle que l'enduro du Touquet, l'enduro pâle, eh bien, c'est en direct actuellement sur Motors TV jusqu'au bout. Eh bien, on va retrouver Eric Briquet, qui est l'envoyé spécial, vous le savez, de RMC et d'Auto Hebdo sur ce championnat du monde du rallye et qui est de retour de l'Arctic Rallye. Salut Eric. Salut Jean-Luc, salut à tous. Bon, alors Eric, bah là, c'est un gros morceau également. Hein. Tiens, on va commencer par justement cet Arctic Rallye dont tu reviens. Alors, j'allais dire, la définition de l'épreuve est dans le titre. Hein. J'imagine qu'on y trouve de la glace et de la neige. Et on y trouvait surtout au départ un garçon qui nous intéresse énormément, un certain Kimi Raikkonen, ancien champion du monde de Formule 1. Et oui, effectivement, c'était pour lui un avant-goût de ce qui va être sa saison 2010, à savoir les rallyes, puis les rallyes pas n'importe où, puisque chez Citroën, hein, il est incorporé au junior team avec Sébastien Ogier, mais il dispose de la même voiture que le champion du monde, Sébastien Loeb, à savoir une Citroën C4 WRC. Un sacré challenge pour l'ancien pilote de F1, puisque il faut le rappeler, il n'a découvert cette discipline que l'an dernier, en 2009, et encore au volant d'une petite voiture, une Fiat Punto Super 2000. Et donc, il n'a que 4 rallyes à son compteur, soit 3 fois rien, on va dire. Et c'est comme s'il débutait, et débutait avec une WRC. C'est un petit peu comme si un pilote faisait 4 courses de karting et puis ensuite passait directement à la F1. Oui, effectivement. Alors, bon, on sait qu'il est rapide. Hein. D'abord, il avait déjà participé à certaines épreuves, notamment nordiques, dans sa Finlande natale. Il se déclarait passionné de rallye depuis très longtemps, Kimi Raikkonen. Alors, le tout avec lui, la question, c'est de savoir s'il va vite, mais longtemps. Hein. Dès la deuxième spéciale, malheureusement, il a eu un problème à l'Arctic Rally. Oui, effectivement, il s'est fait piéger, j'allais dire, pas par excès d'optimisme, pas par volonté d'attaquer pour se mesurer à la référence sur place qui était l'Espagnol Dani Sordo. Non, tout simplement parce que Kimi Raikkonen découvre, il découvre le pilotage en rallye, mais il découvre aussi le fait de devoir écouter des notes annoncées par un copilote. Ça, c'est tout à fait nouveau pour lui qui a toujours couru en monoplace. Eh bien, il a mal compris une note annoncée par Kaj Lindstrom. Il a confondu un droite 3 avec un droite 5, beaucoup plus rapide. Et donc, forcément, il est rentré trop vite dans le virage. Ça ne pouvait pas tourner. Et il s'est posé sur un talus de neige. Il a perdu environ une demi-heure avant d'être aidé, secouru par des spectateurs, arrivé dans le ciseau, puisque alors là-bas, je peux vous l'affirmer, pour l'avoir vu, c'était vraiment le grand désert blanc. Et il a pu continuer et finir son rallye. Faut venir de loin, effectivement. Alors, Eric, avec toi, on ouvre la page déjà du WRC, puisque d'ores et déjà, eh bien, le rallye de Suède se déroulera du 12 au 14 février. Hein, donc, c'est vraiment demain, en Suède, bien sûr. Donc, on attend une surface avec de la glace, avec de la neige. On va faire une petite revue des effectifs avec la petite surprise. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir Daniel Elena en ligne dans un instant qui a mené des essais là-bas. Alors, les grands favoris, bien sûr, c'est Sébastien Loeb et Daniel Elena aux commandes de la Citroën. Grand favori, Jean-Luc, c'est vrai, il faut le dire, pour le titre de champion du monde. Hein, il n'y a pas de raison qu'après en avoir gagné 6, il n'y en ait pas un 7e. En tout cas, qu'il le vise. Ça, je ne vois pas comment il pourrait être d'un coup moins bon, ni l'équipage, ni la voiture, ni l'équipe Citroën, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est encore le favori à sa succession. En revanche, pour la première fois depuis fort longtemps, le rallye de Suède s'annonce extraordinairement ouvert, dans le sens où on trouve pas moins de 5 pilotes au départ, je dis bien 5, qui ont déjà gagné sur la neige, donc sur cette surface, au cours des 3 ou 4 dernières années. Bien entendu, Sébastien Loeb. Eh oui, Sébastien Loeb, vas-y, je te laisse les égrener, mais sinon j'avais voilà. Quelques idées. Oui. Sébastien Loeb, on va tous les compter un par un. Sébastien Loeb, donc, a déjà gagné une fois en Suède. Ça a été d'ailleurs le premier pilote méditerranéen à gagner là-bas en 2004. Ensuite, il a gagné en Norvège. Il y a aussi, bien entendu, Mikko Hirvonen, qui a déjà gagné en Norvège il y a 2 ans. Jari Matti Latvala a obtenu sa première victoire mondiale. C'était en Suède il y a 2 ans. Il y a le retour à signaler pour une seule course, mais comme il est présent et qu'il va compter, il y a Marcus Grönholm. Eh oui. L'ancien champion du monde chez Peugeot qui vient se faire plaisir sur un rallye chez Ford. Donc, on ne sait pas, c'est un petit peu comme Schumacher, hein, il a plus de 40 ans, on ne sait pas quel est son niveau de forme, mais en tout cas, au niveau de l'envie, de la motivation, ça c'est certain qu'il sera dans le coup. Et enfin, Peter Solberg. Peter Solberg qui a lui aussi gagné le rallye de Suède en 2005 au volant d'une C4 WRC cette année, donc la voiture identique à celle du champion du monde dans son propre team, le Peter Solberg World Rally Team. Et donc il faut compter sur tous ces garçons extrêmement motivés. C'est le début de saison, donc ils ont tous les crocs, ils ont tous faim, ils n'ont pas couru depuis fin novembre à Cardiff. Donc je peux vous assurer qu'ils sont tous déjà prêts à partir, à bondir. Donc Raikkonen, on l'a dit, il a déjà fait un rallye d'entraînement. Peter Solberg a fait aussi un petit rallye qu'il a gagné d'ailleurs en Suède, pareil, en guise de séance d'essai. Les pilotes Citroën sont actuellement en essai en Suède, Sordo et Loeb. Donc voilà, donc tout le monde se prépare pour ce rallye qui débute vendredi matin et avec une dernière séance d'essai, le fameux shakedown du jeudi matin. Alors, tu parlais justement des essais menés par les équipes dans le Nord. Et bien là, voilà la belle surprise, Eric, puisqu'on a le plaisir d'avoir en ligne Daniel Elena de retour de ses essais. Salut Daniel. Merci infiniment d'être avec nous en direct sur l'antenne de RMC dans Motors. Alors j'ai envie de te demander évidemment tout de suite comment se sont déroulés ces essais préliminaires à toute la saison et à ces rallyes nordiques. Comment ça s'est passé? Qu'avez-vous testé là-bas avec Sébastien? Ça s'est bien passé. Là, il y a encore Dani qui est en train de rouler aujourd'hui pour préparer. En fait, c'est une séance d'essai pour le setup, quoi, les réglages. Parce qu'on sait tous que la réglementation de 2010 n'a pas évolué par rapport à 2009. Donc voilà, ça, on essaye des trucs acquis, mais bon, les conditions cette année vont pas être évidentes parce qu'il n'y a pas de glace. C'est surtout de la terre gelée et beaucoup de neige, et donc il faut vraiment trouver le bon réglage. Ah oui, ça c'est un élément très important. On sait qu'au niveau pneumatique, hein, on le répète, il y a un manufacturier unique et vous avez tous, Daniel, exactement le même choix de pneumatique au départ. Ouais, c'est des pneus cette année. Qu'on a connu l'année dernière, c'est des pneus un peu plus larges par rapport aux autres années au rallye de Suède. Mais c'est pareil, ça va être un peu plus difficile sur la neige parce qu'il y a moins de précision et on verra. Ça. Et les clous cassent beaucoup sur la terre gelée, donc ça va être chaud cette année. Il va falloir ménager tout ça. Alors, Eric le rappelait il y a un instant, Daniel, mais tu le sais à quel point je souligne tout le temps l'importance, c'est pour cause du copilote. Cash Lindström, et ce n'est pas une faute de sa part, hein, mais a énoncé une note et Kimi Raikkonen l'a mal perçue. La symbiose pilote-copilote, elle est absolument déterminante en rallye. C'est sûr, j'ai fait la même au Japon en 2007, donc on n'est pas des robots et c'est clair que le pilote n'a pas droit à l'erreur et nous encore moins à côté et ça fait partie du jeu, il faut que tout marche à 100%. Daniel. Mais en l'occurrence, c'est le pilote qui s'est trompé, qui a mal compris, qui a mal interprété. La note était bonne, elle avait été bien envoyée, il faut bien le dire. Ah ben voilà, c'est bien ce qu'on dit. Hein. Ah oui, c'est ce que je voulais dire, hein. C'est pas une faute du copilote, hein. C'est le pilote qui a mal compris la note. Allez, on trahit un secret, ça arrive des fois entre vous ça aussi, Daniel, Seb, il les capte toujours impeccablement bien? S'il la capte pas, il me demande de répéter en général. Hein, d'accord. Parce qu'il rentre pas à l'aveugle. Et s'il est pas sûr de lui, il va mettre un coup de frein. Quoi. Et le code, est-ce que tu peux nous dire ça entre vous sans trahir, ou si, en trahissant des secrets absolus? Je crois que pour Kimi Raikkonen et Cash Lindström, c'est un système 1, 2, 3, 4, 5 dans les virages. Vous, c'est comment? C'est plus? Comment tu annonces ça? Nous, on a commencé, c'est des angles de virage. C'est vraiment des notes hyper pointues et assez compliquées. Avec des plus, des plus, des bons, des moins moins, c'est vraiment très très compliqué. Et je sais que quand on en parle avec Seb, il dit si on repartait maintenant, on ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi, et pour simplifier. Mais bon, je veux dire, une note, c'est très personnel. Et je pense qu'il n'y a pas deux équipages dans le championnat qui a exactement le même système de notes. Quoi. Bien sûr, et tiens, j'en profite, tu les répètes, enfin, on entend, on a le plaisir, et sur Motors TV, tu le sais, on aura l'exclusivité de toutes les caméras embarquées hein, pendant la saison, on aura le plaisir de faire des spéciales complètes avec vous. Donc tu les répètes souvent, ces notes, quand il y a un endroit particulièrement dangereux, pour être certain d'être bien compris, avec un ton différent également? Normalement, je ne les répète pas, ça arrive de temps en temps. Mais c'est vrai que moi, je joue vachement sur l'intonation. Ça, c'est le côté méridional. Et j'appuie la note quand il y a un piège. Et, Et des fois, rien que à l'intonation, il sait que bon, il y a un truc qui est pas naturel et qu'il faut faire gaffe, quoi. Oui, c'est clair. Et Eric Briquet l'évoquait il y a un instant, Daniel, ce haut niveau de compétitivité avec peu de changements techniques. Alors ça s'est joué à l'avant-dernière spéciale du dernier rallye 2009. Tu penses qu'évidemment cette année, ça va être pareil, hein, avec Eric le rappelait, 5 pilotes qui ont déjà triomphé là-bas en Suède, 5 équipages capables de l'emporter. C'est sûr. Maintenant, il va falloir voir les conditions parce que bon, ce qu'on a vu nous aux essais, si on est premier, bon, du moins si on est premier, on va être premier sur la route. Mais oui. C'était vendredi matin, c'est pas top, mais faudra faire avec. Le but du jeu, ça sera de perdre moins de points au rallye de Suède. On part pas vaincu, mais on sait que ça va être dur. Puis il y a Marcus, je suis sûr qu'il s'est entraîné tout l'hiver. Hein, faut pas. Oui. Il revient pas pour faire le beau là-bas. Hein. Non, en général, il revient pas pour jouer. C'est un peu comme un autre pilote en Formule 1, quoi. Donc, oui. Ça va être sympa. Mais bon, sur le championnat, il y a 13 courses. La différence par rapport à 2009, c'est qu'il y a quand même 4 rallyes asphalte où en général on domine. Mais cette année, la particularité, c'est que ça sera des rallyes mixtes, terre asphalte. Et la seule fois qu'on l'a fait, c'est l'année dernière à Chypre. Et ça nous avait plutôt bien souri, donc on verra. Mais de toute façon, c'est le début du championnat et il faut que d'entrée, prendre le maximum de points. Bien sûr, Daniel. Alors, tu l'as côtoyé, puis après, je vais te lâcher. Hein. C'est déjà adorable d'avoir là, pris quelques minutes de répit avant la saison pour nous parler en direct sur RMC dans Motors. Ton avis sur l'arrivée de Kimi Raikkonen, justement, évidemment, au-delà du déchaînement médiatique, on le sent très motivé, hein, très passionné vraiment par le rallye. Bah, il est venu nous voir là, pendant la séance d'essai et tout. On a discuté avec lui, c'est vraiment un mec simple, cool, je veux dire, complètement le contraire de l'image qu'il a dans la Formule 1 d'un Iceman. Bon, ça on verra parce qu'il va débuter sur la glace. On a vu à l'Arctic Rally, il est parti chaud bouillant, ben, il a fait une spéciale ennemie. Et, ouais. Et voilà. Où j'ai rigolé avec son copilote, qu'il a annoncé qu'il allait faire des tonneaux cette année. J'ai fait ben, bon courage à toi. Hein. C'est clair. Je pense qu'il va progresser tout au long, il a envie. Et de toute façon, les pilotes, que ce soit en Formule 1, en rallye ou en moto, je veux dire, c'est des doués du sport mécanique. Hein. Ils vont aussi vite tous avec ce qu'on leur donne entre les mains. Donc je pense qu'il faudra compter sur lui, sur les rallyes asphalte. Mais peut-être pas pour la victoire, mais peut-être pour un podium. Oui, il est lucide. Et puis allez, la dernière question, je ne peux pas m'en empêcher, avec Dani Sordo qui est venu justement s'exercer lui aussi hein, sur la glace et la neige à l'Arctic Rally. Alors sa première victoire, c'est pour cette année à ton avis? Toi, tu le connais bien, tu le côtoies tout le temps, lui et son équipier. Hein. Bah, c'est sûr, Dani, il a le potentiel, hein, que ce soit sur la terre ou sur l'asphalte, il va de plus en plus vite, il est fiable. Donc il est jeune et il a envie d'aller la chercher cette victoire. Et je pense que cette année, ça peut arriver plus vite qu'on l'attend. Et ça peut le faire. Bon, bah, génial. Merci beaucoup, Daniel et Léna, d'avoir été avec nous en direct dans Motors sur RMC. Puis je rappelle également que tu vas avoir un carnet de bord hein, sur le site de Motors TV en exclusivité. Chaque soir d'étape, eh bien, tu nous livreras tes impressions. Et je pressens que ça va être croustillant et chaleureux, c'est le moins qu'on puisse dire. On verra. Pas en Suède, il fait froid. Ouais, pas en Suède, d'accord. Salut, merci beaucoup, Daniel. Profite bien de ton dimanche. Alors, vous restez avec nous, naturellement, dans Motors, puisque Eric Briquet est toujours avec nous, bien sûr. Et on va repasser en revue avec lui les forces en présence dans ce WRC, lui qui est l'envoyé spécial de RMC et d'Auto Hebdo sur le championnat du monde des rallyes. Restez avec nous. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et voilà, retour au sport mécanique. Le break a été rapide. Antoine Arlot est toujours là. Il est bien sage, Antoine. Ah, moi, je regarde l'enduro. Oui, c'est passionnant. Devant la télé, c'est impeccable. Ah, bah, on va faire un point dans quelques minutes, justement, avec Dominique Sauvêtre, qui est là-bas dans le quart de presse, justement, de cet enduropal. Mais on a toujours Eric Briquet. Il est là, Eric. Oui, bien sûr. Bon, c'était sympa hein, d'avoir Daniel comme ça. Oui, Daniel, on ne se lasse pas de l'écouter, ça, c'est certain. Ah, il est chaleureux et c'est un vrai bonheur. Et puis, quand même, on rappelle, hein, 6 victoires consécutives au championnat du monde avec Sébastien Loeb, bien évidemment, dans la Citroën. C'est carrément fabuleux. Alors, Eric, on évoquait les forces en présence. On a beaucoup parlé évidemment de Citroën avec Sébastien Loeb, Daniel Elena, Dani Sordo et Marc Marty. Mais l'affrontement, c'est entre les marques aussi, bien sûr, avec Ford en face. Et tu l'as dit, Mirko Hirvonen et Jarmo Lehtinen et Jari Matti Latvala, tu l'as cité, et Mika Antilia. Attention à cela, hein, bien sûr. Attention au pilote Ford. Oui, effectivement. vraiment, ils ont raté, ils, au pluriel, parce que l'année dernière, en 2009, il y avait la possibilité pour l'équipe Ford de jouer les deux titres. À un moment, c'était très très près en cours de saison, lorsque justement, chez Citroën, ça n'allait pas très bien au printemps et au début de l'été. Donc, Mikko Hirvonen a été longtemps dans la course au titre pilote. Ça s'est joué, effectivement, comme tu le faisais remarquer, Jean-Luc, dans la avant-dernière spéciale du dernier rallye, donc quasiment à quelques mètres de la fin de la saison. Et Mikko Hirvonen, je peux vous le garantir, pour l'avoir vu au rallye Monte-Carlo, parce qu'il ne faut pas l'oublier, lui aussi est allé courir, lui aussi s'est un petit peu entraîné, même si ce n'était pas la même voiture et pas les mêmes conditions. Et il l'a gagné, brillamment. Il a gagné le Monte-Carlo. Ouais. Et avec, dans son esprit, le début de saison et une motivation terrible. Il sait maintenant qu'il peut rivaliser avec Sébastien Loeb sur bon nombre d'épreuves. Il a suffisamment d'expérience. Il a 29 ans. Il court maintenant depuis une dizaine d'années à ce niveau-là. Et il se sent mûr, prêt en tout cas pour aller chercher Sébastien Loeb sur le titre, donc sur l'ensemble de la saison. Ça promet, ça va être très sympa. Son jeune équipier, Yari Matti Latvala, eh bien, c'est un petit peu différent parce que c'est un jeune pilote rapide, fougueux, mais qui sort aussi très souvent. Donc c'est pas forcément un avantage pour Ford, notamment pour le titre constructeur, puisque chez Citroën, c'est quand même plus solide, c'est plus costaud avec Loeb et Sordo. Ben, c'est clair. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, de parler assez longuement d'ailleurs. Il est très sympa, hein, Yari Matti Latvala, on conversait en anglais évidemment lors de la présentation du championnat WRC mardi dernier dans les salons de l'Automobile Club de France. Alors je voulais dire juste, Eric, j'en profite évidemment puisque tu es l'envoyé spécial d'Auto Hebdo et d'RMC sur les rallyes de championnat du monde, et bien trois pilotes peuvent être le pilote du mois de janvier. Faut voter bien sûr sur le site d'autohebdo.fr. C'est Mikko Hirvonen, tu en parlais il y a un instant avec sa victoire au Monte-Carlo, mais il y a aussi un autre garçon qui aime la glisse, hein, c'est Jean-Philippe Dérault, très brillant, deuxième vainqueur du trophée Andros, Eric, successivement à Dérault. Là vraiment il est en train de réitérer une Müller, on va dire. Exactement, et moi pour l'avoir vu il y a quelques années débuter dans cette catégorie, je trouvais beaucoup de similitudes dans son pilotage avec celui d'Ivan Müller qui reste la référence dans le trophée Andros. Et pour rester dans l'univers des rallyes, eh bien je crois que justement c'est sur autohebdo.fr que Jean-Philippe Dérault a avoué qu'il aimerait un jour disputer le rallye de Suède, parce que c'est sans doute qui se rapproche le plus du trophée Andros pour un pilote de cette rampe. Et tout à fait. Bah, tu veux une autre bonne nouvelle? Tiens, et ça aussi c'était un scoop il y a quelques jours, et eh bien Ivan Müller va tout faire pour disputer le rallye de France en Alsace, puisque tu sais qu'évidemment il est alsacien comme Sébastien Loeb. Donc avis à la population, Ivan Müller est sur le marché, et je peux te dire, je suis dans la confidence, qu'il y a un beaucoup qui est en train de se monter là. Donc on risque d'avoir Ivan Müller au départ du rallye de France. D'autant plus que pour l'instant, c'est pas encore fixé, c'est pas encore annoncé, mais il y a deux villes de départ, tu sais Jean-Luc, qui peuvent accueillir le rallye, donc Strasbourg et Mulhouse, et Ivan Müller est mulhousien. Donc j'imagine qu'il doit militer pour la candidature de la ville de Mulhouse. Alors, on va vous sortir du chapeau le troisième nom pour le pilote du mois de janvier. Bon, vous l'avez déjà deviné, hein. Après Mikko Hirvonen, vainqueur du Monte-Carlo, après Jean-Philippe Dérault, vainqueur du trophée Andros, et ben oui, c'est Carlos Sainz. Carlos, que tu connais très très bien également, Eric, hein, champion du monde des rallyes, avec sa magnifique victoire donc au Paris-Dakar. Dakar, bien sûr, je l'avais eu au micro à l'arrivée, hein, à Buenos Aires. Donc on est content pour Carlos, mais j'ai cru sentir quand je lui ai demandé l'avenir. Je suis pas certain qu'on revoie Carlos sur les pistes. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah ben c'est vrai que Carlos maintenant a vraiment bien assuré sa reconversion après avoir fait sa très très belle carrière en rallye, en champion du monde avec un titre de champion du monde à la clé. Il est aussi champion du monde en rallye raid. Il a gagné enfin le Paris-Dakar en Argentine. Je pense que maintenant, son prochain défi, ça sera peut-être d'en gagner un s'il se déroule en Afrique. Et puis là, il aura fait le tour. Et d'ailleurs, ils ne sont pas très nombreux, hein, Jean-Luc, si je me trompe, à avoir accumulé des titres mondiaux aussi bien en rallye qu'en rallye raid, en ayant gagné les plus grands rallyes. Je crois qu'il y a eu Harry Vatanen. Absolument. À ma connaissance. Et puis, il y a eu aussi, dans les grands vainqueurs, qui a gagné le Monte-Carlo, qui a gagné le Dakar, c'est Bruno Sabi. Eh oui, tout à fait. Il ne faut pas l'oublier, français. Ouais, Bruno Sabi, qui a été l'un des rares à faire le doublé Monte-Carlo-Dakar. Il faut le dire, c'est très rare. Et voilà, donc Carlos Sainz, lui aussi, grand, grand monsieur du sport automobile qui s'impose enfin en Dakar et qui mérite donc tout à fait d'être nominé dans cette élection du mois de janvier sur autohebdo.fr. Absolument. Merci beaucoup Eric Briquet, envoyé spécial sur le WRC donc de Auto Hebdo et d'RMC. On te retrouve évidemment sur l'antenne dès vendredi prochain, début du championnat du monde des rallyes. Et je vous l'ai dit, ce sera aussi sur Motors TV avec une couverture exceptionnelle dès le jeudi soir. Merci Eric et bon dimanche. Merci, allez, à bientôt. Salut à tous. On fait un saut du côté du Touquet où on va retrouver Dominique Sauvêtre du côté du quart de presse. Alors Dominique, c'est parti depuis 30 minutes, hein, très exactement maintenant, et on voit les habituelles scènes, je dirais, du Touquet, avec un rythme infernal maintenu par les hommes de tête, et puis beaucoup derrière qui en bavent, c'est le moins de le dire. Oui, exactement, là, d'autant plus que les hommes de tête, en ce moment, passent le plus clair de leur temps à zigzaguer entre les attardés, les gens moins rapides, bien entendu. Les poireaux, hein, comme on les appelle, c'est pas péjoratif. Non, pas du tout, non, et c'est très respectable, et bien sûr, donc, c'est un exercice extrêmement difficile, et on peut voir Michael Pichon, qui est en tête en ce moment, se donner beaucoup de mal pour trouver le bon passage. Et c'est vrai qu'avec les images de France 3, on voit très bien la progression au milieu de ces pilotes. Et ça fait partie, Dominique, de l'exercice, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, les champions qui, eux, vont faire 2-3 tours de plus que les moins rapides à l'issue de... Alors cette épreuve, il faut rappeler que c'est peut-être la plus exigeante au monde, parce que c'est 3 heures de pilotage dans le sable, et ça, c'est absolument épuisant. Il faut des bras, des jambes, un coffre formidable. Ah, c'est clair, au niveau du physique, c'est extrêmement éprouvant. Et en fait, les deux phases cruciales pour un bon résultat au Touquet, c'est d'une part d'être, comme je le disais tout à l'heure, bien placé sur la grille de départ, réussir un bon départ et être dans le paquet de tête au premier virage. Ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième phase, presque tout le reste de la course, gérer au mieux le départ. Des attardés, il peut y avoir des écarts de temps très très importants entre quelqu'un qui s'y prend bien et qui a un peu de chance aussi, parce que quand un moins rapide tombe devant vos roues, ça fait une perte de temps. Hein. Merci beaucoup Dominique Sauvêtre, en direct, on le répète, tu es là-bas pour Motors TV, hein, en direct de l'Enduropal du Touquet avec Michael Pichon, faut-il le rappeler, champion du monde de motocross quand même, Michael Pichon, qui est en train de réaliser peut-être l'exploit, c'est trop tôt pour le dire, hein. Il reste encore plus de 2 heures de course dans les sables du Touquet. On refera un point avec toi, Dominique, tout à l'heure, juste avant le terme de l'émission, dans une petite demi-heure. Mais tout de suite, on va accueillir sur l'antenne de RMC Olivier Quesnel, le patron de la compétition, le patron du Citroën Racing et le patron de Peugeot Sport. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je voulais t'avoir également en direct. Je ne sais pas si tu as entendu Daniel, hein, Elena, qui est intervenu il y a quelques minutes, là, tout à l'heure. Ah, pas du tout, j'ai rien entendu. Bon, je te rassure, il n'a rien dit de mal, hein, rien dit de grave. Il nous a parlé des essais menés, évidemment, en préliminaire de ce rallye de Suède et du fait que là-bas, lui, il s'attend plus à de la terre gelée qu'à de la glace. Hein. C'est les infos que tu as, évidemment, je suppose, puisque Dani Sordo est toujours là-bas. Hein. Tout à fait. Alors, est-ce que ça va nécessiter des réglages particuliers, une stratégie particulière? Parce que c'est les pneus, évidemment, qui vont souffrir au premier chef. Ben, les pneus vont souffrir au premier chef, mais à ce jeu-là, je pense que la Citroën consomme moins ses pneus que la Ford. Et qui plus est, Seb et Dani roulent plus en ligne, et donc consomment moins et tirent moins sur les clous. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien, nous concernant. Eh oui, donc peut-être un pilotage, on va dire, globalement moins spectaculaire à l'œil, mais on s'en moque. Hein. Ce qui compte, c'est l'efficacité et de préserver le capital pneu, c'est ce que tu disais. Bah oui, puisque la finalité, ça reste de gagner. Bah oui. Et qui plus est, je pense que Nico a annoncé clairement la couleur. Son objet, c'est d'enfin essayer de battre Seb. Donc, il va falloir, et les points engrangés en début de saison, c'est des points très importants. Donc, il faut marquer son territoire le plus vite possible. Alors, évidemment, tu as un autre pilote qui peut-être briguer sa première victoire en championnat du monde des rallyes. On l'évoquait avec Eric Briquet il y a un instant. Olivier, c'est bien sûr Dani Sordo qui est parti à l'Arctic Rally, qu'il a brillamment dominé. C'est quand même un signe? Tu le sens mûr pour cette première victoire? Dani a très envie de gagner son premier rallye. Il ne faut pas que ça devienne une obsession parce que ça risque de jouer contre lui. Mais si ce n'est pas en Suède, je pense que ça viendra naturellement. C'est ce que j'essaierai de lui expliquer, c'est que ça sera naturellement au long de la saison. Et il faut, pour Dani, il faut qu'il continue à rouler normalement et il ne faut pas qu'il force le destin ou sinon il risque de se prendre les pieds dans le tapis. Oui, bien sûr. Peut-être sur une surface aussi où il est plus rapide, on le sait, hein, notamment le bitume, et peut-être du côté de son Espagne natale. C'est peut-être comme ça que tu le vois aussi. Non, parce qu'en Australie, sur la terre, il a fait une très belle course. En Pologne, il a très très bien roulé. En Finlande, il a étonné son monde. Donc Dani prend ses marques. Il fait partie de ces pilotes qui progressent. Il me fait penser à Damon Hill qui est devenu champion du monde et en qui pas grand monde ne croyait, qui petit à petit ben, avait atteint la solidité et la compétence pour devenir ce qu'il est devenu. Et Dani progresse lentement, mais il sort très peu, ce qui pour nous, dans le cadre du championnat du monde des constructeurs, est très important. Et là, il est proche de la maturité et je ne serais pas étonné qu'il étonne plus d'un cette saison. Alors Olivier, je voulais te faire parler, on a parlé bien sûr, on va y revenir tout à l'heure, hein, de Kimi Raikkonen avec Eric Briquet et de son expérience à l'Arctic Rally là aussi et de sa volonté de briller, mais on sait qu'il lui faut un petit peu de temps. Moi je voulais qu'on parle de Sébastien Ogier également avec Julien Ingrassia, dont on pense tous hein, qu'il a vraiment le potentiel, lui aussi pourquoi pas, pour remporter un rallye de championnat du monde. Ah complètement, bah, Seb déjà, ce qu'il a montré au Monte Carlo, déjà il a montré une force de caractère digne des plus grands, puisque... Il est sorti sur une plaque de neige posée par, mise par des spectateurs. Il a pris 2 minutes. Vu le peu d'expérience qu'il a et l'ambition qu'il avait, tout était réuni pour qu'il baisse les bras ou qu'il fasse une faute. Ben, rien de tout ça. Il est reparti à l'assaut. Il a roulé à la limite. Il a repris 1 minute 20 à Mikko Hirvonen. Et puis après, il a eu la panne que l'on sait dans la dernière nuit du Turini à 2 spéciales de la fin. Mais quoi qu'il arrive, il n'aurait pas gagné. Mais il a fait une course, a été le meilleur performeur. Et Seb Ogier, il a les dents qui rayent le parquet. Et, oui. Et ça, c'est clair que cette année, il va vouloir en gagner un. Ah, ça doit être le prénom qui veut ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le talent aussi. Alors, Olivier. Oui, il y a un grand talent derrière tout ça. Oui. Avant qu'on passe à l'endurance, hein, puisque avec toi, on a la chance évidemment de pouvoir aborder les 24 heures du Mans et notamment les engagés, les pilotes retenus, les 55 équipages retenus. Parlons de Kimi Raikkonen et de ta perception justement de ce pilote en tant qu'homme. Et là aussi, précisément, il y a un instant, Daniel nous disait qu'il n'est pas du tout celui qu'on croyait en Formule 1. C'est pas du tout Iceman. Là, en rallye, il se régale. Il est ouvert et discute beaucoup. Ah oui, alors moi, je suis tombé de l'armoire, puisque quand il est venu nous voir à Citroën Racing, je l'ai reçu pendant 1 heure dans mon bureau. Et en allant au rendez-vous, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter pendant 1 heure? Oui. Et je suis tombé sur quelqu'un d'affable, souriant, bien dans sa peau, content d'être là, pas du tout star, et nous disant clairement que la F1, il en avait par-dessus la tête. Et qu'il se faisait une joie de faire du rallye et que pour lui, c'était pas des vacances forcées, c'était un objectif très clair et que son rêve ultime, ce serait de devenir champion du monde des rallyes et que dans son esprit, ça aurait plus d'importance que son titre de champion du monde de Formule 1. Ah, ça, c'est quand même incroyable. Hein, c'est un personnage étonnant. Il nous a fait un tableau de la F1. Je préfère que certains ne le sachent pas. Ouais, parce que le côté superficiel de la chose, il était de bon cœur. Hein. Eh ben je crois qu'effectivement, c'est un personnage étonnant qui se protégeait peut-être parce que la F1 est tellement médiatisée. Alors, je l'ai dit avec toi, Olivier, on a l'avantage de pouvoir faire la transition. Tiens, tu m'en voudras pas de te poser une petite question. On pressent, je sais que c'est le 22 février, je dis pas de bêtises, hein, que le programme Peugeot Sport sera annoncé. Allez, tu peux bien nous donner une petite piste concernant, tu me vois venir, la présence de Sébastien Loeb, au moins aux 24 heures du Mans. Et moi, je me demande s'il ferait pas une petite course aux États-Unis pour se mettre en jambes du côté de Sebring avant. Ça te dirait quelque chose, ça? Ben, complètement. Seb a déjà fait 2 tests d'endurance avec nous. Ça s'est passé tout à fait correctement, sachant que l'esprit qui anime cette opération veut que ce ne soit pas pris dans un sens médiatique ou marketing. Donc, si Seb rejoint les rangs de Peugeot Sport, c'est avec un objectif clairement affiché d'être aussi compétitif que les deux autres équipages. Donc, me concernant, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, se pose le problème du planning, puisqu'il y a les essais de C4, il y a les courses avec la championnat du monde des rallyes avec la C4, il y a les essais de développement avec la DS3 Racing qui lui tiennent à cœur. Le programme rallye reste prioritaire. Donc, la balle est dans son camp. Je on a convenu de faire le point après le rallye de Suède. Et à partir de là, pourquoi pas. Mais est-ce qu'Olivier Quesnel, patron de Citroën Racing, donnerait l'autorisation à son pilote Citroën de concourir avec Olivier Quesnel, patron de Peugeot Sport, à l'occasion justement de Sebring et du Mans? Ah ben si, là-bas, si on, si Seb estime, ben, clairement c'est pour lui le problème. C'est, ça fait un planning démentiel. Mmh. C'est un truc de folie. honnêtement de folie. Je crois qu'en ouais. mois de mars, il passe 2 jours chez lui, en avril une journée. Mmh. Maintenant, il y a une limite à toute chose. La vie, c'est fait d'équilibre. Donc, c'est à lui de bien réfléchir, ouais. de peser le pour et le contre. Et le problème de la compétitivité ne se pose pas du tout. Mmh. Et quand je dis pas du tout, même c'est, vraiment pas. C'est un euphémisme, voilà. Il est aussi rapide que les autres, quoi, pour être clair. Hein. Voilà, clairement. Mais maintenant, il faut... Voilà, moi, je veux pas le pousser. Mmh. C'est lui qui doit décider. Et je pense qu'on... Enfin, je pense pas. On a convenu de faire le point après la Suède. Et il aura bien pensé à tout ça. Et s'il y va, c'est qu'il a envie d'y aller. Mais moi, personnellement, j'en rêve, mais je ne me permettrai pas d'influer dans un sens ou dans un autre. C'est clairement lui qui prendra la décision. Vous la prendrez ensemble et on croise tous les doigts parce que ce serait un défi fabuleux. Olivier, j'ai envie de te faire parler maintenant. Donc, 3 voitures retenues, évidemment, au Mans, avec un capitaine pilote à chaque fois. Donc, tu as retenu Alex Wurz sur la machine numéro 1. Évidemment, faut-il le rappeler, vous avez remporté très brillamment les 24 heures du Mans, toute l'équipe Peugeot Sport en 2009, avec Nicolas Minassi sur la deuxième et Sébastien Bourdet sur la troisième. C'est le 22 qu'on saura donc qui complète les équipages. Hein. Tout à fait, c'est le 22. Mais je ne suis pas un adepte du changement. Tout le monde, maintenant, en tout cas les spécialistes, ont vu comment je travaillais depuis que j'ai intégré Citroën Sport à l'époque et Peugeot Sport. Je ne suis pas l'homme des révolutions, des grands changements pour marquer mon territoire et montrer que je suis plus malin que les autres. Que ce soit au niveau des équipes ou des pilotes, je travaille plutôt dans la continuité, d'autant plus facilement que bah, à chaque fois j'ai découvert des gens remarquables et que bah, moi mon rôle c'est d'être le chef d'orchestre et de faire en sorte que tout le monde ait envie et travaille de façon homogène entre eux et entre elles plutôt et puis voilà. Et puis on rappellera donc, bien sûr. Ne vous attendez pas à des grands bouleversements avec moi. Ouais, tu m'étonnes pas beaucoup. Donc on a quelques idées sur les noms un certain Stéphane Sarrazin, Franck Montagny, etc. Bon, on connaît la liste. La grande nouveauté, Olivier également, c'est qu'une quatrième Peugeot est confiée non pas bien sûr à l'équipe Pescarolo, mais à l'équipe donc Oreca. Et ça, c'est une grande nouvelle avec Olivier Panis, ancien pilote de Formule 1, faut-il quand même le rappeler, et Nicolas Lapierre. Donc là aussi, un quatrième équipage très solide. Un quatrième équipage très solide. Le nom du troisième pilote est à la charge, ben, c'est à Hugues de Chonac de décider. Mais entre nous, les choses sont très claires. Cette Peugeot, ce sera une 908 version 2010. Donc, il aura la même que les 3 autres voitures d'usine. Et pour moi, c'est une quatrième chance. Donc, il faudra que je me mette d'accord avec Hugues sur la stratégie. S'il a envie de faire le lièvre au départ, course d'attente ou autre. Mais cette voiture sera intégrée complètement dans la stratégie de course qu'adopteront les Peugeot à l'occasion des 24 heures du Mans. Eh ben c'est super, ça va être une bataille formidable qu'on vivra évidemment sur l'antenne de RMC. Olivier, tu le sais, on couvre cette épreuve de très près. Et face à vous, évidemment, il y aura les Lola Aston Martin, on le sait, très performante. Et puis, bien sûr, les Audi. Je crois qu'on est très, très motivés du côté d'Audi. Merci infiniment, Olivier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, allez... dernier petit point, oui. Je pense que les 24 heures du Mans là, de 2010 vont faire date dans les annales des 24 heures. Ah, je le crois aussi, je crois que tu as bien raison, ça va être une édition fabuleuse qui est d'ailleurs, mais c'est en décalé, hein, le même jour que le Grand Prix du Canada, hein, si je ne m'abuse, ouais. Qui se déroulera lui le soir. Voilà. Merci ouais, et puis comme dit Kimi, la F1 c'est superficiel. Il plaide pour sa chapelle. Non mais disons que c'est autre chose la Formule 1. Voilà, ça a d'autres enjeux et d'autres passions. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aussi franchement à mes questions. Bon dimanche et vous restez avec nous bien sûr. On va parler du Mans justement. Vous allez le voir avec la fabuleuse édition 1969 et de très très grands témoins du terrible accident donc qui a mis un terme malheureusement à la vie et à la carrière de John Wolff. C'est maintenant. Restez avec nous. Motors avec Motors TV. Jean-Luc Roy. Vous êtes bien dans Motors, comme tous les dimanches, entre 12h et 14h, nous vous parlons de sport mécanique, vous le savez. Et maintenant, tout de suite, je vous annonce que les 5 premiers qui vont donner la bonne réponse à la question que je vais poser, eh bien, gagneront l'ouvrage dont nous allons parler maintenant. Il s'agit d'un ouvrage absolument passionnant, absolument magnifique, qui s'appelle « Qui se souvient de John Wolfe ?» Et comme, évidemment, vous êtes jeune, et je pense dans la majorité, vous ne vous rappelez pas, eh bien, John Wolfe est un pilote qui a perdu la vie dans le premier tour des 24 heures du Mans 1969, aux commandes de la fabuleuse Porsche 917. Et ma question est, quel est l'équipage vainqueur de cette édition 1969 des 24 heures du Mans? Et quelle voiture pilotait-il, ces deux hommes, dont l'un, évidemment, est très, très connu? Cet ouvrage, c'est l'œuvre de Michel Boixière et de Michel Fournier, qui sont, je le sais, à l'écoute et que je salue. Et si vous voulez le commander, si vous n'êtes pas parmi les 5 premiers, eh bien, vous allez sur le site www.l-oree.org. Voilà. Ou sinon, vous tapez John Wolfe. On aura l'occasion de répéter ce nom-là. John, J-O-H-N. Et bien sûr, Wolfe, W-2-O-L-F-E. Voilà. J'ai le plaisir d'accueillir sur cette antenne maintenant l'un des témoins, l'un des grands pilotes de cette époque. Il s'agit de Teddy Pilette. Bonjour, Teddy. Oui, bonjour à vous. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Merci infiniment de bien vouloir répondre à mes questions. Je sais que ce sont des souvenirs à la fois exaltants hein, pour vous, qui avez été un grand pilote, qui avez participé également à des épreuves de Formule 1, et puis cette édition 1969 que vous disputiez personnellement aux commandes d'une Alfa Romeo T33 en compagnie de l'excellent pilote Schlottemacher. Alors, racontez-nous l'ambiance de l'époque, la course automobile de l'époque et ce premier tour de folie avec cette Alfa. À cette époque-là, comme vous vous rappelez, c'était des courses beaucoup plus, disons, sentimentales, avec beaucoup plus de vie, d'ambiance qu'aujourd'hui. Et le premier tour fut malgré tout un tour rapide, avec les voitures rapides qui étaient devant moi, et je parvenais malgré tout à suivre avec l'Alfa 33, qui était moins rapide que les Porsche. Alors oui, pour le préciser juste, Teddy, si vous le permettez, donc il y avait les fabuleuses Porsche 917 dont 3 exemplaires étaient engagés. La première, c'était Rolf Stommelen qui avait signé la pole position en 3.22.9 devant Vic Elford, encore un très grand nom du sport automobile. Et l'autre Porsche 917, eh bien précisément, je crois qu'il y a un écho. Peut-être vous pouvez baisser un tout petit peu la radio si vous l'avez. Voilà, j'entends un petit écho. J'ai pas de radio. Ah, c'est parfait. Alors bon, c'est pas grave, on va régler ça. Donc l'autre Porsche 917, eh bien c'était celle que partageaient John Wolfe et Herbert Klinge. Hein. C'était des monstres, hein, ces machines, à l'époque. Oui, c'était des voitures fabuleuses et j'aurais bien aimé être parmi les participants de 1917, mais le team VDS, lui, voyait plutôt un avenir dans les Alphas. C'est pour ça que nous allions des Alphas avec le support d'Auto Delta à l'époque. Bien sûr. Alors, il y avait, je crois, plusieurs choix de moteurs. Et on rappelle qu'aux essais, on les appelait les essais d'avril. Hein. Malheureusement, il y avait eu la disparition tragique de Lucien Bianchi aux commandes précisément du Alfa Romeo, mais à moteur 3 litres, hein, je crois. C'est exact. Mais lui a essayé la nouvelle carrosserie à ce moment-là. Il essayait l'Alfa 33. Et oui. Une voiture qui était plutôt un speed air. Et malheureusement, il a eu une fin tragique et qui a, disons, un peu refroidi VDS. Et que VDS a préféré garder les moteurs 2,5 litres dans la voiture sur l'ancienne disons, carrosserie, qui était une carrosserie coupée. Tout ça pour rappeler, Teddy, que les courses automobiles, elles le sont toujours, hein, mais étaient terriblement dangereuses à l'époque. Et les 24 heures du Mans étaient l'une des épreuves les plus dangereuses, avec déjà des vitesses de pointe supérieures à 350 km/h dans la ligne droite des Hunaudières. Absolument, avec aucun effet aérodynamique, ou très peu par rapport à aujourd'hui. Donc moi je me rappelle qu'à l'époque il y avait, disons, moi j'étais assez soucieux de la sécurité, pour ma sécurité en tout cas, j'avais mis des petites tiges qui sortaient de l'aile avant et qui me disaient, avec certaines couleurs, qui me disaient la hauteur de l'avant qui se levait. Ah, et oui, je oui. sais qu'au-delà d'une certaine barre, je devais lever le pied parce que la voiture risquait de décoller. Oh là là, ouais, incroyable. Et on rappelle évidemment, hein, Henri ne peut pas être avec nous aujourd'hui. J'avais sollicité Henri Pescarlo, qui est un ami. On se rappelle de cet accident terrible qu'il avait connu avec la Matra 640 qui s'était envolée précisément dans les Hunaudières lors de tests privés au mois d'avril. Hein. Absolument. Et moi c'est une expérience que j'ai absolument maintenue. C'est par ces petites tiges qui sortent de l'aile avant et qui me dit de la hauteur à laquelle la voiture se lève. Et quand j'ai reparticipé au Mans par après avec une dôme, avec moteur Porsche, j'avais de nouveau cette tige-là et qui m'a amené sauvé la vie parce que la voiture est arrivée à la limite acceptable avant le décollage. Oh là là, incroyable. Alors on va voir un autre témoignage, Teddy, si vous le permettez, c'est celui de Jean-Claude Andruet, bien sûr, que je salue chaleureusement. Jean-Claude qui était au départ également de cette édition 1969 aux commandes d'une Alpine et en compagnie d'Henri Grandcyr. Hein, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour et bonjour à Teddy qui est un copain que j'ai pas revu depuis un bon moment. Là. Oh, Il faudrait qu'on arrange ça d'ailleurs. Ah ben je vais demander derrière à Rodolphe Massé, hein, qui va présenter Intégral Sport, de lui piquer une heure là, parce qu'avec vous deux à l'antenne, on va avoir quelques souvenirs à évoquer. Jean-Claude. Oui, j'espère que j'aurai assez. Mon portable est pas vraiment chargé, mais bon, j'espère que ça tiendra. Non, ça va être court, c'est une plaisanterie. Je voulais que tu nous décrives également, s'il te plaît, l'ambiance de ce premier tour des 24 heures du Mans. Alors toi, malheureusement, tu l'as vu de près, hein, cet accident de John Wolff à la fin au niveau de Maison Blanche, quand la Porsche 917 s'est embrasée. Oui, tout d'abord, je voulais vous dire que aux essais d'avril, enfin malheureusement, j'étais quand Lucien Bianchi s'est tué. La voiture qui suivait, c'était Jean Guichet, et moi j'étais tout de suite après, et je me suis arrêté à l'époque sur la botte. Il y avait des débris fumants et un baquet qui était vide. C'était dramatique comme vision. Il faut dire, comme l'a dit tout à l'heure Teddy, à l'époque il n'y avait pas de rail, il n'y avait aucune sécurité, quoi. C'était une sortie dans la ligne droite, c'était la mort pratiquement assurée. Et donc moi je m'étais arrêté pour. J'étais avec une Alpine A210 avec un moteur 1500 double arbre de Gordini. Et la première fois, je montais dans cette voiture. Et puis, je me suis arrêté pour essayer de porter secours. Malheureusement, j'ai cherché, il n'y avait pas d'extincteur dans ma voiture. Ils avaient oublié de le mettre. À l'époque, c'était quand même beaucoup, beaucoup plus relax à ce niveau-là, quoi. Et ensuite, dans la journée, j'ai tourné avec la 3 litres et je me suis envolé sur la ligne droite, sur la bosse des Hunaudière, à l'endroit où Lucien s'est tué. Et moi, c'est vraiment miraculeux que je m'en sois sorti, quoi. Voilà. Ah oui, En dehors de ça, pour vous rappeler l'ambiance, et ce que disait Teddy tout à l'heure, c'est qu'à l'époque, que ce soit les 24 heures de Spa ou les 24 heures du Mans, il y avait toujours des morts, soit aux essais d'avril, soit pendant la course. Et donc, comme il n'y avait aucune sécurité, quoi, les sorties de route étaient généralement dramatiques. Ça conférait quand même, une certaine angoisse au niveau des pilotes. Et là, quand il y a eu l'accident de John Wolff, là, d'abord on a vu la voiture s'est embrasée. Et il y avait un peu, la course a été arrêtée, donc là il y avait une angoisse terrible, quoi, parce que pendant de longues minutes, on ne savait pas quel serait le bilan de cette catastrophe, puisqu'on voyait des colonnes de fumée monter, tout ça, donc c'était vraiment très très angoissant, très lourd comme atmosphère. Oui, terrible, effectivement, une scène qu'a découvert Teddy Pilette. Alors, en bouclant son deuxième tour, alors je vous rappelle que ce livre, hein, c'est « Qui se souvient de John Wolff ?». Si vous appelez maintenant au 3216 et que vous donnez l'équipage qui a remporté cette édition 1969 des 24 heures du Mans, l'un des deux pilotes est extrêmement connu, et la voiture donc qu'il pilotait à ce moment-là, eh bien vous gagnez un livre. Les 5 premiers vont gagner, sinon, je vous le répète, eh bien vous le commandez, ce livre absolument passionnant, mené comme une véritable enquête de police, hein, je dirais, par Michel Boixière et Michel Fournier. Teddy Pilette, donc oui, c'était une vision d'horreur, hein, à l'issue de ce deuxième tour. Absolument, parce que comme disait Jean-Claude, à partir du moment où on voyait de la fumée noire quelque part sur le circuit, forcément, ça n'a tué rien de bon, rien de bon augure. Et en se présentant avant les Hunaudière, donc on a dû ralentir, et voyant ce panache noir, c'est vraiment très négatif. Parce qu'un petit peu de fumée, ça peut passer, mais de la fumée, comme j'ai vu, c'était forcément quelque chose de tragique, ce qui s'est affirmé par après. C'était effroyable, effectivement. Je vous remercie infiniment à tous les deux. Je sais que c'est toujours un peu court, hein, d'avoir témoigné avec autant de chaleur humaine, autant de passion, et de nous avoir rappelé ce qu'étaient les sports mécaniques, la course automobile à l'époque, et particulièrement cette épreuve mythique des 24 heures du Mans. Merci beaucoup, Teddy Pilette. Merci infiniment. Merci, Jean-Claude Andruet. On se retrouvera sur l'antenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je voulais qu'on fasse un petit saut tout de suite du côté de l'Enduropal du Touquet avec Dominique Sauvêtre qui est avec nous pour faire le point après presque une heure de course. Dominique, comment ça se passe dans les sables du Touquet ? Eh bien, Jean-Luc, ça se passe d'une manière extrêmement captivante parce que Jean-Claude Mousset a pris la tête devant Michaël Pichon. Et en fait, c'est très intéressant parce que ils étaient roue dans roue juste avant de ravitailler. Ils sont rentrés exactement en même temps, à un mètre l'un derrière l'autre, dans la zone des ravitaillements qui était très encombrée. Et Jean-Claude Mousset s'en est sorti un tout petit peu mieux et donc a pris 10 secondes d'avance sur Michaël Pichon. Donc, c'est vraiment palpitant. Donc la bataille est engagée, là, vraiment la bataille du Nord, hein, la bataille de la Manche, on peut dire, sur la plage de l'Enduro-Sable du Touquet. Il reste près de 2 heures de course maintenant. Je vous rappelle que c'est en direct, naturellement, sur Motors TV. Vous aurez des nouvelles dans un instant, bien sûr, dans le cadre d'Intégral Sport avec Rodolphe Massé. Mais vous le savez, il y a un menu chargé avec Écosse-France, évidemment, au programme à partir de 16h, avec des commentaires de Jeannot Rességuier et de Jean-Michel Larquet sur le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2012. Et puis, je n'oublierai pas de saluer et d'embrasser chaleureusement mon vieux pote Christophe Cessieux. C'est le papa d'une petite Milia. Allez, je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est lui l'homme le plus heureux au monde. En tout cas, RMC, pourtant, nous autres, on est heureux. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour les sports mécaniques, 12h-14h. Et dans l'intervalle, il y aura le début du championnat du monde des rallyes. Salut à tous. Merci à Swad, à l'arrêt. Allez, merci Adrien, salut à tous. RMC Motors avec Motors TV.